La bonne dame. La bonne dame, pâle et myope, rentre de promenade. En glissant la clé dans la serrure de sa porte et tournant la tête comme pour dire le bonsoir au ciel qui emplit le bout de la rue, elle aperçoit, couché à terre, un homme immobile. Un homme, les membres jetés de ça, de là, allongé contre la maison voisine. « Ah, mon Dieu !» s'écrie la bonne dame. « Un malade, sans doute !» Son sang ne fait qu'un tour. Elle se précipite dans sa maison, et la voici déjà revenue de sa chambre à coucher, un flacon d'eau de Cologne à la main, près du corps étendu. C'est un grand diable sale, les yeux fermés, la bouche ouverte. Il ne bouge plus. Est-il mort? Elle avance sa douce main aux petits doigts relevés, précieuse, comme si elle allait soulever une dentelle de gaz. Mais elle n'ose y toucher. Elle crie. Des habitations contiguës, les voisines sont accourues. Quoi? Y aurait-il donc, dans la rue toujours déserte, quelque chose pour aider à passer la soirée aujourd'hui? Non, il respire encore, et même son haleine est forte. Elle se concerte. On le transporta dans la maison de la bonne dame pâle. Le malheureux ne peut demeurer en cet état dans la rue. Elles se mettent à l'œuvre tout ensemble. Qui un bras, qui une jambe, celle-ci la tête toute chaude qui fume, et celle-là la casquette crasseuse. Elles saisissent le paquet inerte plus lourd qu'un cadavre et le hissent par les escaliers du corridor jusque dans la véranda fleurie d'innombrables et mignonnes potées de plantes. Les oiseaux, dans leur cage, s'éveillent et se mettent à gazouiller. « Un fauteuil !» crie une dame. « Oui, il sera mieux que sur une chaise. Un fauteuil !» Le siège le plus confortable de la bonne dame est amené. Dans la soie d'un verre d'eau pompadour, l'homme en loques est dressé comme sur un trône. Sa tête vacille et ses bras brimbalent. « De l'air !» crie la bonne dame. « Il est bleu, il lui faut de l'air !» On déboutonne le gilet du pauvre diable. Une veuve audacieuse, d'une main qui s'y connaît, s'aventure à dégager d'un cran la boucle de sa ceinture. Elle fait un clin d'œil, on ne sait pourquoi. Et chacun admire son savoir-faire. L'eau de Cologne, sur le front qu'emperle la sueur, ruisselle et s'évapore en buée. L'homme brûle. Sa poitrine monte et descend avec un bruit de soufflet de forge. Quand tout à coup, il s'éveille. Ses yeux, injectés de sang, hagards, roulent autour de lui des regards sauvages et ahuris. Il se voit, il voit ses femmes, ils sont sur ses pieds. Tous les cris ne font qu'un hurlement de terreur. Les femmes fuient. « Gardez-vous, il a un couteau à la main !» crie l'une d'elles. Mais toutes sont déjà dans la rue. « Laissez la porte ouverte, laissez-le sortir, ne le regardez pas, ne lui dites rien, ne l'excitez pas. » De l'autre côté de la rue, elles tiennent les yeux fixés sur l'ouverture sombre du corridor. Elles tremblent, serrées l'une contre l'autre, comme si un fauve allait, devant elles, bondir de sa cage. Voici l'ivrogne titubant, vacillant, cognant les murs de l'allée l'un après l'autre. Il approche. On entend ses souliers ferrés racler les dalles. Il tombe debout les trois marches de l'escalier et tourne sur lui-même comme un taureau sorti de l'étable qui mugit avant de s'élancer. « Ah, Seigneur !» crient les bonnes âmes. « Que va-t-il faire ?» Mais un mouvement de chute l'entraîne d'un côté. Il continue de marcher par là et, jurant, sacrant, farfouillant des deux mains dans ses loques pour rattacher sa culotte qui tombe et son gilet béant, il se met à crier, l'écume à la bouche et tendant le poing. « Si c'est pas dégoûtant, des femmes, se mettre ensemble pour déshabiller ainsi un homme !» Bonne raison malentendue, comme fleur à port étendue.